Yeah. Futur proche. Futur proche. ATK. ATK. Yeah. Écoute ça. Ma tête est pleine de rimes, ouais, et de ouais. pages dites sensées. J'écoute ma rage, tu sais l'ami. Ouais, ouais, yeah. À la croisée des chemins. Yeah. Ma tête est pleine de rimes et de pages dites sensées. J'écoute ma rage et je promets rien, non, juste d'y penser. Rien à foutre qu'on parle sur moi et mon père à bancal. Car la foudre se cache, tu sais, derrière mon tempérament calme. J'emboîte le pas, rien sous la dent et pas de l'or à se mettre. Et je perds mon temps et je vois un peu, ouais, comme l'or à se mettre. Ma zik est pleine de violons et de vinyles, de pianos qui foutront le bourdon, même à vinyle. Ma famille et mes potes, et voilà mon délire. Pas besoin d'en faire des tonnes, non, y'a encore moins des lignes. Quand je vois ma fille, elle grandit à une vitesse folle. Tu sais, l'air crée sa passe, ouais, comme les envies d'être seule. Je tourne la page, je l'assume et j'aime ma vie comme ça. Je fais cet album en mémoire de mon pote Picosan. Les regrets, non, comme foutre un coup d'épée dans l'eau. Je vais de l'avant depuis que je fous un pied devant l'autre. Alors là, je tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous, on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça, je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain. L'horloge tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain. Au commencement, j'ai croisé Kesdo sur les bancs de la cour. Depuis le temps a passé et j'en suis à court. Après ça, on a croisé Seigneur sur le terrain de basket 93 et voilà notre première maquette. Qu'on entendait seulement dans 2-3 lecteurs cassettes. Le rap une quête, le showbiz un vrai casse-tête. Tu connais l'histoire, de 21 on passe à 7. À la croisée des chemins, la vie montre une autre facette. Mais peu importe, on était remonté à bloc, prêt à péter les portes et à conquérir le globe. Mais le destin est parfois capricieux et a d'autres plans. T'as beau prier les cieux, mais personne n'entend. ATK, le coup qui prend du poids comme un gars au bel. Attaque à Mike Carmel. ATK, c'est le coup heptagonal qui pose sa rive sur les frères. Alors là, je tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous, on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça, je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain. L'horloge tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous, on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça, je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain. Nostalgie, nostalgie, c'est tard quand tu nous tiens. Je donne ça à l'ancienne comme nos périples à Jean-Brun. On a chacun nos belles époques, les mains ont débuté à port. À la croisée des chemins, je voulais livrer sur cet album du McDo à Saint-Périne, du tam-tam au Blackberry. La route est longue, je te l'avertis, prends pas le ton, c'est advertis. On s'était dit une mixtape, et puis on arrête, fut compile et album, et on est rentré dans l'arène. Merde, tristesse perso dans les bacs, partout les temps, dans les caisses et dans les casses. On savait qu'on ne serait pas légendaire comme ATK. On attendait juste que les cuisses du succès s'écartent. Donc on bosse, répète nos morceaux au square. A Bibi comme chez Gwen Z, autre part. Je te résume notre parcours, notre amour, notre bravo. Mon frère a pété ses rayons, je lui ai changé sa roue. L'horloge tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain. L'horloge tourne, tourne à la croisée des chemins, même si on se gourre. Tous on se rappelle ce qu'on a fait de bien. Nos délires et nos conneries, ouais, tout ça je m'en souviens. On était loin, loin quand on pensait à demain.